Bien-aimé, là je veux parler, je ne veux pas être long parce que tout le monde est choqué, tout le monde pleure à cause du sacrifice honteux qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où vous avez un pasteur, un prophète, un soi-disant homme de Dieu qui demande à ce qu'un champ d'une église soit égorgé, tout simplement parce qu'il a besoin de sa tête. Pour féticher, je voudrais dire au peuple de Dieu, la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. L'heure est arrivée où chacun doit faire attention. Dans tout endroit où les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, Satan règne en roi. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, beaucoup plus de discernement. Parce que des loups sont en ce moment dans les églises. Des loups. Ils sont nombreux. Dans l'évangile de Marc, de Matthieu, au chapitre 24, au verset 24, Jésus nous a prévenus. Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils seront nombreux à faire des miracles pour séduire. Jésus dit, ils font tout pour séduire. C'est des séducteurs. Vous allez remarquer que ces séducteurs sont nombreux aujourd'hui. Regardez comment ils s'habillent, l'habillement. Rien que l'habillement. Regardez les voitures, leurs voitures. Regardez leur train de vie. Quand ils voyagent, ils sont que dans les premières classes. Ce sont des séducteurs. Quand il vient à l'église dimanche, il est habillé comme un prince. L'habillement n'est pas un péché. Mais vous allez remarquer qu'ils mettent beaucoup d'accent. Ils sont très pointus sur les choses de la terre. Il faut que je porte la paire de chaussures. Dernier cri. Il faut qu'on me voie avec la veste, que toute personne d'autre n'a cette veste, il n'y a que moi. Ce sont des séducteurs. Je lui dis, ils viendront pour séduire. Est-ce que le diable est capable de faire des miracles? Est-ce qu'un faux homme de Dieu peut faire des miracles? Mais oui! La Bible nous dit que lorsque Dieu avait décidé d'enlever son peuple d'Égypte, il s'est servi d'un homme, Moïse. Et c'est Dieu qui a envoyé Moïse en Égypte, devant Pharaon. Et devant Pharaon, Dieu faisait des miracles à travers Moïse. En fait, Dieu voulait faire comprendre à Pharaon que Moïse qui est devant toi là, il ne parle pas de lui-même. C'est moi qui l'envoie. C'est pourquoi Dieu faisait des miracles pour convaincre Pharaon que l'homme qui est devant toi là, c'est moi Dieu qui l'envoie. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que les magiciens, les marabouts, si vous voulez, de Pharaon, parce que Pharaon aussi, comme tous les chefs d'État du monde, ils ont comment dirais-je, des personnes spirites. Hein, ils ont des voyants, ils consultent des percepteurs, des voyants, tout ce que vous voulez, des marabouts. Donc Pharaon aussi avait ses marabouts. Et les marabouts de Pharaon disaient, oh, c'est les histoires, nous aussi on est capable de faire les miracles. Et la Bible dit, les marabouts de Pharaon aussi faisaient des miracles. Mais qui faisait les miracles à travers ces marabouts de Pharaon? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Oui, toi qui ne le sais pas, Satan aussi fait des miracles. Jésus dit dans Matthieu 24, au chapitre 24, ces faux prophètes feront des miracles. Et nous savons que Jésus est la vérité. Si Jésus dit qu'ils feront des miracles, c'est des vrais miracles. Donc ces gens aussi font des guérisons. Ces gens aussi font des délivrances. Mais ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que vous avez, Satan est en train d'inspirer beaucoup de personnes dans toutes les régions du monde en leur disant, écoute, tu vois bien que tu n'as pas de boulot, tu n'as aucun travail, tu n'es pas marié, tu es misérable. Mais tu peux faire ta vie à travers le ministère de prophète. Il suffit que tu tisses une alliance avec moi. Il suffit d'un pacte avec moi. Je te donne le pouvoir. Je te donne le pouvoir et tu vas faire les miracles. Et quand les gens verront les miracles, les gens viendront vers toi. Parce que les hommes sont attirés par le surnaturel. Satan sait que l'homme est attiré par le surnaturel. Lorsque l'homme voit ça, l'homme est attiré. Et c'est pourquoi Jésus dit, ils feront des miracles et ils séduiront beaucoup de personnes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire les gens ne regardent plus la façon dont le miracle est fait. Oh, ils sont attirés. Oh, il fait des miracles, on a vu. Ils font la pub au quartier, ils font la pub. Et d'autres personnes, quand ils entendent ça, tout le monde vient. Parce qu'ils sont attirés par les miracles. Et ces faux hommes de Dieu savent que plus il y a de la foule, plus il y a beaucoup de monde dans leurs églises, plus il y aura beaucoup d'offrandes. En fait, c'est l'argent qui est visé. Parce que ces faux hommes de Dieu, non seulement ils ne sont pas sauvés eux-mêmes, mais le salut des âmes, ce n'est pas ce qui les intéresse. Que vous alliez en enfer, ce n'est pas leur tasse de thé. Ils ne sont pas là pour vous conduire au paradis. Ce n'est pas leur problème. Ils veulent juste s'enrichir sur votre dos. Et c'est pourquoi ils vont la nuit. Ils vont la nuit voir des marabouts. Le marabout lui dit, et comme vous savez, Satan ne fait rien gratuitement. Satan va dire, donne ton enfant, apporte-moi une tête d'homme, apporte-moi 5 litres de sang, apporte tel ou tel truc, apporte le sexe d'une femme, apporte la langue d'un homme. Satan va demander, mais Satan ne va pas te demander la langue d'un cadavre. Non, c'est quelqu'un de vivant. Donc, c'est pourquoi, dans ces milieux, le crime se fait la nuit. Je pense à un Nigérian. Il est au Nigeria. Cet homme est pasteur. Il raconte qu'il connaît des réseaux au Nigeria, au Ghana, au Bénin, où certains marabouts sont connus. Les pasteurs vont les voir la nuit et pour avoir la puissance, le pouvoir de faire des miracles. Ces marabouts peuvent vous préparer une bague. C'est pourquoi méfiez-vous des hommes de Dieu qui ont des chevalières. Un homme de Dieu qui porte une chevalière au doigt, ce ne sont pas des bagues simples, c'est des bagues travaillées par le marabout. C'est des bagues travaillées. Un homme de Dieu ne porte pas de chevalière au doigt. C'est des bagues travaillées. D'autres ont des grosses chaînettes. Hein? D'autres portent des trucs sur les reins. De toutes les façons, ils feront des miracles comme Jésus le dit. Mais ces miracles ne viennent pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle les personnes qui ne liront pas leur livre, leur Bible, ne pourront pas s'en sortir. Parce que en lisant la parole de Dieu, tu seras éclairé par la parole de Dieu et tu pourras facilement démasquer un faux serviteur de Dieu. Moi, quand je suis dans une église, quand je m'en vais dans une conférence des hommes de Dieu, je peux savoir que celui qui parle là, c'est des histoires. Parfois, je me lève, je rentre chez moi. Je peux savoir, tu auras le discernement. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire ton sentier. La parole de Dieu, c'est ta lumière. Si tu as à fond dans la parole de Dieu, tu auras la lumière de Dieu. Et parce que tu as la lumière de Dieu, le faux serviteur de Dieu, tu le verras tout de suite. Donc, vous ne pouvez pas avoir le discernement si vous ne lisez pas la Bible. C'est par la Bible que vous aurez le discernement. Donc, ces hommes de Dieu sont nombreux. Aujourd'hui, certains vont enterrer des bébés dans les églises. Si vous partez creuser, dans la plupart des églises, surtout au niveau de la chair, il y a des choses enterrées là. Il y a des choses enterrées là. Vous voyez à l'église, ils ont mis un tapis dessus, parfois un tapis rouge. Un tapis dessus, mais en bas là, si vous creusez, il y a des choses. Il y a des choses là qui ont été enterrées. Soit une tête d'homme, soit la langue. La langue a été coupée. Il y a une langue enterrée là. Il y a le sexe, le vagin d'une femme est enterré là. C'est-à-dire qu'ils font des choses là où un cercueil avec un cadavre a été enterré. Vous avez même certains marabouts. Il peut dire à cette personne, « Ok, tu veux du monde dans l'église, tu m'apportes 5 litres de sang, le sang frais. Tu m'apportes 5 litres. » Et tu les amènes chez le marabout. Le marabout te travaille le corps la nuit et il te donne des choses. Il te dit, « Ok, tu dois faire ça entre 1h du matin et 3h. » C'est-à-dire, aller creuser devant à l'entrée de ton église. À la grande porte, il faut creuser par terre, tu vas enterrer les fétiches là, et il te dit, tu vas réciter telle incantation. Ça veut dire quoi? Ensuite, tu remets les choses en place, parfois tu fais cimenter, tu poses un tapis dessus. Ça veut dire que toute personne qui vient dans ton église et qui passe par là, qui franchit par là, va être liée par le fétiche qui est enterré à cet endroit. Ça veut dire que le fétiche que tu as enterré là va lier la personne. Ce qui fait que cette personne n'est plus disciple de Jésus, la personne devient disciple de cet homme de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut maintenant te dire qu'on a attrapé l'homme de Dieu là-bas, en train de coucher avec un enfant de 6 ans. Ça rentre là, ça sort de là. Tu vas toujours le suivre. Tu vas même le défendre. Oh, l'erreur est humaine, la chair est faible. Oh, quel que soit tout ce qu'on peut te dire de cet homme de Dieu, tu es comme bouché. Tu le suis bêtement. Et tu es de, parce que tu es devenu son disciple. Parce que tu as embouté par le fétiche qu'il avait placé dans son église. Tu es sous le contrôle de cet emboutement. C'est pourquoi tu le défends bête et honte. Quel que soit tout ce qu'on peut te dire de mauvais de lui, tu cherches toujours des excuses. Donc, ces hommes de Dieu sont nombreux aujourd'hui. Et je vais vous dire que sur 10 hommes de Dieu, des gens qui vont vous dire, je suis prophète, évangéliste, pasteur, révérend tel, bishop tel, sur 10, il y a peut-être 2 qui sont des vrais hommes de Dieu envoyés par Dieu. Les 8 là, c'est des faux jetons. Les 8 là, c'est des gens qui se sont proclamés eux-mêmes prophètes, évangélistes, docteurs, tout ce que vous voulez, et qui sont allés voir des marabouts. Ils ont des fétiches. C'est pourquoi je vous dis, vous allez voir certains hommes de Dieu avec un mouchoir, ils prêchent. Quand il fait le mouchoir comme ça, les gens tombent. Il fait le mouchoir comme ça, les gens tombent. Ce n'est pas biblique. Ni Jésus. Aucun disciple de Jésus a fait ça. Jésus a dit le disciple, le maître. Il a dit le serviteur ne pourra jamais être plus grand que le maître. Voilà quoi. Jésus est le chemin. Nous devons suivre ce que Jésus a fait. Donc quand vous voyez ça, il fait seulement le mouchoir comme ça, les gens s'écoulent. Il fait comme ça, les gens. C'est des gens qui vont voir des marabouts. C'est ça, c'est un fétiche. C'est les gens qui fréquentent les guérisseurs la nuit. C'est pourquoi faites très attention. Regardez les doigts du pasteur qui est devant toi. Est-ce qu'il porte une grosse bague? Est-ce qu'il porte une... Je ne parle pas de l'alliance de mariage. Si vous voyez une grosse bague sur le doigt, c'est des bagues travaillées par les marabouts. C'est le marabout qui a donné cette bague. C'est le fétiche de cet homme de Dieu est lié à cette bague. Si tu vas voir cet homme de Dieu dans son bureau, dis-lui, pasteur, avant de prier pour moi, est-ce que tu peux enlever cette bague? Il va te dire non. Parce que sa puissance, si tu lui dis, je te lance un défi, si tu ne me crois pas, va voir un homme de Dieu à son bureau. Il a une grosse bague au doigt. Dis-lui, s'il te plaît, pasteur, j'ai entendu quelqu'un parler des grosses bagues. Est-ce que tu peux l'enlever? Tu le poses sur la table, ensuite tu pries pour moi. Il ne va pas l'enlever. Il ne va pas accepter. Parce que la puissance occulte qu'il a est liée à la grosse bague que le marabout a travaillée. C'est le marabout qui a travaillé la grosse bague là. Donc quand il touche les gens tombent par terre. Il touche les gens tombent. La puissance est liée à la bague que le marabout lui a travaillée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le marabout a travaillé un mouchoir. Le marabout, il lui dit, va acheter un mouchoir. Il achète le mouchoir, il vient donner au marabout. Le marabout dit, ok, tu m'amènes le sang humain. Tu m'amènes une tête d'homme. D'accord? Tu amènes la tête d'homme, le marabout va travailler. Il va faire une fétiche avec la tête que tu as amenée, avec le mouchoir. Et il te dit, tu tiens ce mouchoir. Il n'y a que toi seul qui le garde. Personne d'autre ne doit se servir de ce mouchoir. Donc, ce mouchoir est magnétisé. Ce n'est pas un mouchoir servir, j'ai été travaillé. Et vous allez voir l'homme de Dieu. S'il fait seulement comme ça, waouh, les gens tombent. Il fait le mouchoir comme ça, waouh. Si le mouchoir te touche, waouh, tu tombes. Attends, vous croyez que... Un mouchoir. C'est un mouchoir qui a été travaillé par le marabout. Donc, vous devez faire très attention. Beaucoup sont des faux. Et vous allez remarquer que quand ils prêchent ces faux-là, ils parlent beaucoup de miracles, ils parlent beaucoup de prospérité, ils pensent beaucoup des choses de la terre. Ils ne vont jamais vous dire sortez de l'adultère. Ils ne vont pas parler de sortez de la fornication, le mensonge c'est mauvais, sortez de ça. Non, ce n'est pas ça. Ils vont vous parler de miracles. Dieu va vous bénir, il ne parle que de bénédiction. Venez, Dieu va vous bénir, Dieu va vous délivrer. Oh, Dieu, il ne parle que de ça. Le salut des âmes n'est pas leur priorité. C'est pas, ils ne sont pas là pour ça, puisqu'ils ne sont pas eux-mêmes sauvés. Ils ne sont pas sauvés, c'est des faux. La Bible les appelle les loups. La Bible dit les loups vont entrer dans la bergerie. La bergerie, c'est l'église. C'est-à-dire, ces loups-là sont entrés dans l'église. Ils portent des gros costumes, des cravates, bien habillés. Ils se disent prophètes, ils se disent docteurs, ils se disent révérends, ils se disent bishops. Mais c'est des faux. Et vous allez remarquer, certains, quand ils prient pour des gens, ils vont te dire, voilà, Dieu me dit que tu es bloqué, ton problème vient de tes grands-parents. Si tu as 100 euros, viens ici, je vais prier pour toi. Tes appels ne marchent pas, toi là, viens, viens, viens. Tu as 10 euros dans le sac, viens ici. Des trucs comme ça, Jésus ne l'a jamais fait. Les disciples de Jésus ne disaient pas à des femmes, Madame, le Saint-Esprit me dit que tu portes un sous-vêtement bleu. Hein? Tu as 10 euros dans ton sac, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu as, n'est-ce pas, c'est vrai, tu as 10 euros. Mais non, Dieu n'a pas besoin de ça. Ça, c'est le diable. Si vous voyez quelqu'un faire ça, ça, c'est le diable. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. Dieu me dit que tu as eu des problèmes avec ton mari. Ton mari a fait nanana, nanana. Ça, c'est des histoires. C'est pas de Dieu. Soyez vigilants. Mais Jésus dit, ils feront beaucoup de miracles. Et Jésus termine en disant, beaucoup de personnes vont les suivre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on a beau leur dire que ce sont des loups, ce sont des faux hommes de Dieu. Ils sont devenus comme des maboules, comme des drogués. Et ils vont continuer à les suivre bêtement parce que la seule chose qui les intéresse, c'est le miracle. Mais il faut que tu saches que Satan ne fait pas un miracle dans ta vie pour te sauver. Satan fait un miracle dans ta vie pour t'avoir, pour avoir ton âme. Parce que le diable n'est pas sur terre pour faire du bien aux hommes. Le diable est sur terre pour détruire et égorger. Donc, lui ne va pas te guérir pour que tu ailles au paradis. Ah non, tu ne vas pas profiter de sa guérison et il te laisse aller au paradis. Mais, il va te guérir et il va faire certaines choses avec toi pour te tenir captif. Comme ça, je vais vous donner une image dans la tête. Vous savez, au village, quand un étranger arrive et que les parents veulent lui offrir, par exemple, une poule ou un coq, on vous demande, on appelle les enfants, on vous dit, regardez cette poule, il faut l'attraper parce que l'étranger, c'est pour l'étranger, on va lui offrir la poule. Pour attraper la poule, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des grains d'arachide ou le riz et puis vous balancez à la poule. Et la poule se dit, oh, ils sont gentils, ils sont en train de me donner l'arachide. La poule pense que vous êtes gentil, alors que vous lui donnez grain par grain en allant vers la cuisine. Et la poule aussi pense que vous êtes gentil. Oh, ils sont en train, ils se soucient de moi, ils me donnent la nourriture, ils sont gentils. Alors vous l'entraînez, il suit les grains, vous jetez. Ensuite, il arrive devant la porte de la cuisine. Vous continuez à balancer et la poule monte à la cuisine. Une fois que la poule rentre dans la cuisine, vous faites quoi? Vous fermez la porte. Et c'est à ce moment-là que vous arrêtez, que vous attrapez la poule. Satan agit comme la poule. Satan fait exactement comme ça. Avec les faux prophètes, il va te guérir, il va te faire des choses. Parce que plus tu auras des résultats, plus tu vas suivre ces faux hommes de Dieu. Puisque tu as des résultats. Tu vas les suivre jusqu'au jour où la mort va te surprendre, soit par quelqu'un t'a assassiné, soit par accident de voiture ou je ne sais pas quoi. Parce que ce que Satan veut, c'est que la mort te surprenne alors qu'au moment où tu n'es pas en relation avec ton Dieu. C'est pourquoi les faux prophètes font des miracles pour séduire les gens. Satan leur donne le pouvoir de faire des miracles et les gens vont les suivre bêtement en attendant le jour où la mort va te surprendre. Comme ça au moins, tu n'étais pas en règle avec Dieu et tu ne peux pas être sauvé. Donc, les féticheurs, les gens qui font des gris-gris, ils sont nombreux en ce moment. Ne soyez pas attirés par des bishops tels, révérends tels, généraux tels. Bien-aimés, lisez la parole de Dieu et vous aurez le discernement. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'est qu'un début. Beaucoup le font. Mais ce n'est pas parce que celui-là a été arrêté. Beaucoup font ce qu'il a fait là. Il n'a pas eu la chance et tout. Mais d'autres ont tué d'autres. Il y a des bébés, il y a des enfants qui sont recherchés, qu'on ne trouve jamais de corps. Il y a des gens qui sont dépecés dans les plages. La nuit, on trouve les corps dépecés. Il y a beaucoup qui font des crimes rituels. Celui d'Abidjan, c'est tout simplement qu'il a eu la malchance qu'on l'a arrêté. Mais d'autres n'ont jamais été arrêtés. D'autres ont enterré des bébés dans leurs églises. D'autres ont enterré des crânes, des têtes d'hommes dans leurs églises. pour envoûter les gens. Donc, tout le monde qui se dit prophète n'a pas été envoyé par Dieu. Tout le monde qui se dit pasteur, apôtre, n'ont pas tous été envoyés par Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention. Que Dieu vous bénisse.